Premier livre des rois, chapitre 20. Alors Ben-Hadad, roi de Syrie, assembla toute son armée, et il y avait avec lui 32 rois, des chevaux, et des chariots, puis il monta, assiégea Samarie, et il lui fit la guerre. Et il envoya des messagers vers Achab, roi d'Israël, dans la ville, et il lui fit dire, ainsi a dit Ben-Hadad, ton argent et ton or est à moi, tes femmes aussi, et tes beaux enfants sont à moi. Et le roi d'Israël répondit, et dit, mon seigneur, je suis à toi comme tu le dis, et tout ce que j'ai. Ensuite les messagers retournèrent, et dirent, ainsi a dit expressément Ben-Hadad, puisque je t'ai envoyé dire, donne-moi ton argent et ton or, ta femme, et tes enfants, certainement demain en ce même temps, j'enverrai chez toi mes serviteurs, qui fouilleront ta maison, et les maisons de tes serviteurs, et se saisiront de tout ce que tu prends plaisir à voir, et ils l'emporteront. Alors le roi d'Israël appela tous les anciens du pays, et dit, considérez je vous prie, et voyez que celui-ci ne cherche que du mal, car il avait envoyé vers moi pour avoir mes femmes, et mes enfants, mon argent et mon or, et je ne lui avais rien refusé. Et tous les anciens et tout le peuple lui dirent, ne l'écoute point, et ne lui complais point. Il répondit donc au messager de Ben-Hadad, dit au roi mon seigneur, je ferai tout ce que tu as envoyé dire la première fois à ton serviteur, mais je ne pourrai faire ceci, et les messagers s'en allèrent, et lui rapportèrent cette réponse. Et Ben-Hadad renvoya vers lui, en disant, ainsi me fassent les dieux, et ainsi ils y ajoutent, si la poudre de Samarie suffit pour remplir le creux de la main de tous ceux du peuple qui me suivent. Mais le roi d'Israël répondit, et dit, dites-lui, que celui qui endosse le harnois, ne se glorifie point comme celui qui le quitte. Et il arriva qu'aussitôt que Ben-Hadad eut entendu cette réponse, or il buvait alors dans les tentes avec les rois, il dit à ses serviteurs, rangez-vous en bataille. Et ils se rangèrent en bataille contre la ville. Alors voici un prophète qui vint vers Achab, roi d'Israël, et qui lui dit, ainsi a dit l'Éternel, n'as-tu pas vu cette grande multitude? Voilà, je m'en vais la livrer aujourd'hui entre tes mains, et tu sauras que je suis l'Éternel. Et Achab dit, par qui? Et le prophète lui répondit, ainsi a dit l'Éternel, ce sera par les valets des gouverneurs des provinces. Et Achab dit, qui est-ce qui commencera la bataille? Et il lui répondit, toi. Alors il dénombra les valets des gouverneurs des provinces, qui furent 232, après eux il dénombra tout le peuple de tous les enfants d'Israël, qui furent 7000. Et ils sortirent en plein midi, lorsque Ben-Hadad buvait, s'enivrant dans les tentes, lui, et les 32 rois qui étaient venus à son secours. Les valets donc des gouverneurs des provinces sortirent les premiers, et Ben-Hadad envoya quelques-uns qui le lui rapportèrent, en disant, il est sorti des gens de Samarie. Et il dit, soit qu'il soit sorti pour la paix, ou qu'il soit sorti pour faire la guerre, saisissez-les tout vifs. Les valets donc des gouverneurs des provinces sortirent de la ville, et l'armée qui était après eux. Et chacun d'eux frappa son homme, de sorte que les Syriens s'enfuirent, et Israël les poursuivit, et Ben-Hadad roi de Syrie se sauva sur un cheval, et les gens de cheval aussi. Et le roi d'Israël sortit, et frappa les chevaux, et les chariots, en sorte qu'il fit un grand carnage des Syriens. Puis le prophète vint vers le roi d'Israël, et lui dit, va, renforce-toi, et sache, et regarde ce que tu auras à faire, car l'an révolu le roi de Syrie remontera contre toi. Or les serviteurs du roi de Syrie lui dirent, leurs dieux sont des dieux de montagne, c'est pourquoi ils ont été plus forts que nous, mais combattons contre eux dans la campagne, et certainement, nous serons plus forts qu'eux. Fais donc ceci, ôte chacun de ces rois de leur place, et mets en leur lieu des capitaines. Puis lève une armée pareille à celle que tu as perdue, et autant de chevaux, et de chariots, et nous combattrons contre eux dans la campagne, et tu verras si nous ne sommes pas plus forts qu'eux. Il acquiesça donc à ce qu'ils lui dirent, et le fit ainsi. Un an donc après, Ben-Hadad dénombra les Syriens, et monta en affaire pour combattre contre Israël. On fit aussi le dénombrement des enfants d'Israël, et s'étant fournis de vivres, ils s'en allèrent contre les Syriens. Les enfants d'Israël se campèrent vis-à-vis d'eux, et ils ne paraissaient pas plus que deux troupeaux de chèvres, mais les Syriens remplissaient la terre. Alors l'homme de Dieu vint, et parla au roi d'Israël, et lui dit, ainsi a dit l'Éternel, parce que les Syriens ont dit, l'Éternel est Dieu des montagnes, et n'aie point de Dieu des vallées, je livrerai entre tes mains toute cette grande multitude, et vous saurez que je suis l'Éternel. 7 jours durant ils demeurèrent campés vis-à-vis les uns des autres, mais le 7e jour ils en vinrent aux mains, et les enfants d'Israël frappèrent en un seul jour 100 000 hommes de pied des Syriens. Et le reste s'enfuit dans la ville d'Aphée, où la muraille tomba sur 20 et 7 000 hommes qui étaient demeurés de reste. Et Ben-Hadad s'enfuit, et entra dans la ville, et il se cacha dans le cabinet d'une chambre. Et ses serviteurs lui dirent, « Voici maintenant, nous avons ouï dire que les rois de la maison d'Israël sont des rois débonnaires, maintenant donc mettons des sacs sur nos reins, et mettons des cordes à nos têtes, et sortons vers le roi d'Israël, peut-être qu'il te donnera la vie sauve. » Ils se ceignirent donc de sacs autour de leurs reins, et de cordes autour de leurs têtes, et ils vinrent vers le roi d'Israël, et lui dirent, « Ton serviteur Ben-Hadad dit, je te prie que je vive. » Et il répondit, « Vit-il encore ? Il est mon frère. » Et ces gens étaient là comme au guet, et ils se hâtèrent de savoir précisément ce qu'ils auraient de lui ce qu'ils prétendaient, et ils dirent, « Ben-Hadad est-il ton frère ? » Et il répondit, « Allez, et l'amenez. » Ben-Hadad donc sortit vers lui, et il le fit monter sur le chariot. Et Ben-Hadad lui dit, « Je te rendrai les villes que mon père avait prises à ton père, et tu te feras des places en Damas, comme mon père avait fait en Samarie. » Et moi, répondit Achab, je te renverrai avec cette alliance. Il traita donc alliance avec lui, et le laissa aller. Alors quelqu'un d'entre les fils des prophètes dit à son compagnon, suivant la parole de l'Éternel, frappe-moi, je te prie, mais celui-là refusa de le frapper. Et il lui dit, parce que tu n'as point obéi à la parole de l'Éternel, voilà tu vas te séparer de moi, et un lion te tuera. Quand il se fut séparé de lui, un lion le trouva, et le tua. Puis il trouva un autre homme, et lui dit, « Frappe-moi, je te prie », et cet homme-là ne manqua pas à le frapper, et il le blessa. Après cela le prophète s'en alla, et s'arrêta attendant le roi sur le chemin, et il se déguisa ayant un bandeau sur ses yeux. Et comme le roi passait, il cria au roi, et lui dit, « Ton serviteur était allé au milieu de la bataille, et voilà quelqu'un s'étant retiré, m'a amené un homme, et m'a dit, garde cet homme, s'il vient à s'échapper, ta vie en répondra, ou tu en payeras un talent d'argent. Or il est arrivé que comme ton serviteur, faisait quelques affaires ça et là, cet homme-là ne s'est point trouvé. » Et le roi d'Israël lui répondit, telle est ta condamnation, tu en as décidé. Alors cet homme ôta promptement le bandeau de dessus ses yeux, et le roi d'Israël reconnut que c'était un des prophètes. Et ce prophète lui dit, « Ainsi a dit l'Éternel, parce que tu as laissé aller d'entre tes mains, l'homme que j'avais condamné à l'interdit, ta vie répondra pour la sienne, et ton peuple pour son peuple. » Mais le roi d'Israël se retira en sa maison tout refrogné et indigné, et vint en Samarie.